Salut les enfants! Je m'arrête un peu. On est bien là. Ça va les enfants? Bienvenue sur le live. Il est 11h. Garde des bras. Raoul. Raoul. Salut Ness. Salut Thierry. Ça va vite là. Ça va vite. Salut Alain. À la bonne âme. Bon défilé à tous. Spécial Jeanne d'Arc aujourd'hui. Et Raoul, il est là Raoul. Salut Kevin! Bienvenue dans le live! Et cette extravagance énergie! C'est parti jusqu'à midi, hein! Pour vous donner la patate là! Je l'ai dit, tout le monde sort! Hein. On y va les enfants? Allez, welcome! Salut François, oh, désolé le barbecue hier. Hein. Patricia, salut, salut Delphine. On est là, on est partout. Il est avec maman, Raoul. Salut, salut le bras, ça va Nat. Salut Kevin, salut Case, salut Ness Weber, salut le McDo. Le mec Ness de la source à l'époque, salut mon ami, quelle belle photo que tu m'as envoyé. Ah oh, putain, je me suis revu il y a 30 ans. Ouais. Putain, t'étais un dieu hein, là-haut. Hein. C'était le boss du 2002. Hein. Salut Ellie, salut Delphine, salut Benjamin. Allez, c'est parti pour une heure de live. Go, here we go. Wouh, c'est pas une guerre. On est en guerre. Go! Woo! How the tiger! L'œil du tigre, mec! L'œil du tigre, mec! Il te manque l'œil du tigre, mec! Salut les enfants! Salut Kevin Raoul, salut Younes, la famille des Zaza. le créneau. Salut Séverine, salut la Philippe, c'est parti pour une heure. Yeah. Ayer la vi pain no coraje. Con sus amigas en la calle de Madrid. Sabes como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ay, la vi. Ay, la vi bailando para mí. Ay, la vi. Salut les zinzins. José. José. Es que yo sin ti, dime que puedo. contigo existe no me invento. Lo único que importa es mi corazón. Les manches, hein, la nuit lui s'éluce, nos rêves nous éluce, apparaît photo qui faut assumer. Elle est tellement dans son lit, je vais faire dans la durée. Avec elle, c'est le matin. Avec elle, pas de matin. Elle est où? Si tu viens dans un matin, viens dans un matin. Maman Fiose. Voilà, il va, il va, il va. Maman Fiose. Laurent Biard a demandé à l'entrée. Laurent Biard, je vous rappelle que les verres sont interdits sur la piste, ainsi que les cigarettes. On va se la faire à l'ancienne. Je vous rappelle que les clubs sont interdits sur la piste, hein. À l'ancienne. Dédicace dédicace à mon associé aussi, Adam. Salut la famille. Salut la Tchétchénie. Tous mes amis tchétchènes qui sont là. Big up les armailles. Allez, faites du bruit, on le tord, Léon. Tu m'as donné ton et tu m'as dit j'ai pas le temps. J'habite chez la daronne, elle a mis le platine au salon. Tu m'as fait plaisir, la ciné, vas-y, resserre-moi un verre. Tu m'as vu dans Voici, t'as le signe, j'ai sorti le laser. Et oui, mon ami, tu en as ma mère. J'suis dans la musique, j'suis en train d'en vie. Et qu'est-ce que tu peux faire? J'sais qu'elle est mariée, qu'elle veut la faire. Très aimable, l'usine, j'suis qu'elle s'en m'a dit, j'fais le tour de la terre. Y'a les chemises dans les coups, pas les couilles des jaloux. Nous on s'est plein des sous. Lève ton verre à ma santé. Soprano, un petit dédicace à lui qui a perdu son papa. Sopra. Allez Marseille. Pourtant je souris comme jamais. Chez moi on ne sait pas prier. Mon cœur brûle à la fête. On fait la guerre à la vie. Même si les munitions sont épuisées. Le cœur tu ne m'as pas tué. Combien ah, j'ai mal au cervical là. En hommage à l'air des mangers. Salut Séverine. Voyez le succès. Oh, oh, oh, oh, oh. Y'a les chemins dans les fous. Pas les couilles des jaloux. Marseille c'est le bled, le rap se fait soulever par le bled. Ici toutes les balles sont rentrées. T'aimes au fond de l'Erison. Ne me parle pas, il fait taf. Ouais, j'irai voir Ludo, merci Ludo. Et là je te le note. Merci Stéphania qui est là aussi. La tête dans les pieds, on fait la descente. Y'a les chemises dans la cour. Pas les couilles des jaloux. Ah, le ménage pour Alex. Faut faire des sous, pas s'emballer, comprend tout. On tient le coup, si y'a les chemises dans les fous. Faut faire des sous, pas s'emballer, comprend tout. On tient le coup, si y'a les chemises dans les fous. Faut faire des sous, pas s'emballer, comprend tout. On tient le coup, si y'a les chemises dans les fous. Faut faire des sous, pas s'emballer, comprend tout. Allez, Zinzin! Ça va, mes Zinzins? Jusqu'à midi! On sait faire des sous! Avec le meilleur des sons! Pour Edouard! Pour Edouard de 95! Tu nous écoutes! Il a grandi! Avec ça, salut GM! Arrivé les mains dans les poches, à l'époque c'était en voile pis. Putain, c'est bon ça. Rache, laisse parler la rage. Et puis les souvenirs 2000 qui arrivent. Lay Days, Pepelos qui vient de faire un titre là bientôt. Le Cunes, tu connais la. On est arrivé dans les boîtes, allez voir. Tu sais que j'en suis dans la vraie vie. Oui, c'est de sa bouche. Tiens le coup, oh putain, les bonnes, Laetitia. Et que c'est pareil. Putain, moi sur la pâte. Moi je fais une capture d'écran là. Du pays vivre, mon fort avec le trou qui fait entre nous. Et rendre fiers les nôtres qui nous ont connus et soutenus avant tous les autres. C'est pour les mecs de chez nous, les équipes de l'équipe Bamoud. Où j'y reste posté chez nous, où j'ai entre couilles. Là où j'suis dans mon élément, là où j'ai tellement passé de temps. Qui fait rien faire, j'suis presque un meuf qu'on peut pas déplacer. Comme une entre impossible à effacer, comme un tag à la style, comme mon plat. Ça va, j'tiens le coup. Bouger sans les vies. Ah, j'tiens le coup là. Et c'est libé. Allez, GG. Qu'un putain de blé. Et approche, écoute, roche. Et si t'accroches pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Ta gueule, toi. C'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour, notre place sera gravé dans la roche. Lady Mojo qui arrive. Et on se rapproche, on se disque sous le porche. Ah, Pépé, il a fait un truc avec Younes, vous allez voir. C'est pas celui-là encore. Mais ça va arriver. Salut GM. J'ai piqué la playlist à Younes. M'emmerde lui. Salut les pompiers d'Orléans. Tous mes points de repère, sinon je suis du père. L'ami Falago, les compères, c'est une paire. Viens à bout de l'heure et pour qu'elle s'aide. Profite de la chance que j'échoue pas le guet. Et je me prends pas la tête. suis pas une vedette et je veux pas en être une. J'suis pas mieux qu'un autre, j'ai pas marché sur la lune. Gravé de ce bitume, gravé dans la roche, juste ma plume et mes proches. J'me rappelle de nos débuts. 9-7, commençons l'histoire. Proposition d'album, voulais même pas y croire. 30-0 à 2000, la machine fait en route. 2003, toujours le but, le succès, rien à foutre. Maintenant qu'on est hâle, on compte bien y rester. Gravé sur la dalle, aimé ou détesté. L'aventure continue et continuera. Inch'Allah! Qui vivra verra. Approche, écoute, roche, peut-être si t'accroches pour nos familles et nos proches. C'est gravé dans. Salut Amandine! Ah, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jeune homme passera. Gravé dans la roche, lâche pas, on s'accroche. Du but, on se rapproche. Et son disque sous le porche, c'est gravé dans la roche. Un jour, les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. Chambre, tu n'y grappes dans ma chambre, tu sais, tout a changé depuis le 11 septembre. Mais pour vrai, c'est idem, tu kiff-kiff au final. T'as reconnu la voix que t'aimes, la même signature. Chaque à la l'arrache, du hip-hop sans complexe. Tellement gravé dans la roche, calibre et club au silex. Riche pas encore, toujours le même problème de flou. Cette maladie incurable qui soigne ton pack de douleur. Eh hey, ma belle, y'a pire, passe tu à la tâche, respire. La vie est belle, ça s'écrit pas fait. T'as raison, c'est vrai, non. Salaud, dégueulasse, efficace. Alias Tunisiano. Oh, alias Tunisiano. Mon premier cassage de dos, comme mes premières thunes. Mon premier pas en studio, comme le premier pas sur la lune. Les mêmes raclis, les mêmes cliniques pressenties. Ah, c'est bien, automassage sur les cervicales. Merci Stéphanie. Dama, Chino, R. Kelly, de la mort, Biggie. Au compte Dama et les Titi, ici. Big up, Nico. Mais en français, les soignants, les pompiers, les médecins, ouais, Nico. Écoute, roche, si t'accroches pour nos familles et nos proches. C'est gravé dans la roche. C'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. Lâche pas, on s'accroche. Du but, on se rapproche. Son disque sous le porche, c'est gravé dans la roche. Lâche pas, on s'accroche. On retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. Ouais, rap ghetto la famille là. Ah, oh, Philippe Bétura. Eh hey, Philippe, j'ai une sixième soif de faire. Ma vie, mon nom, plein sur mon dieu. J'ai approche, écoute, roche. Même si t'accroches pour nos familles et nos proches. Eh, hey, y'a Pépé qui arrive avec Younes, avec un nouveau titre, avec un sample de Mojo. J'espère l'avoir bientôt, je l'attends encore. Mojo, lady, les filles. Eh hey, Philippe, faudrait faire que tu fasses un titre. Écoute, et je suis sérieux hein. Ça s'appelle Sauver la nuit. Avec le sample de Daniel Balavoine derrière, Sauver l'amour. Et ça s'appellerait Sauver la nuit, mais qu'est-ce qu'il faut sauver la nuit. Voilà, c'est pas mal Philippe hein. Note, travaille là-dessus, tu vas voir. Mets un carton, Sauver la nuit. Lady, Mojo. Hein, Pépé. Pépé. Pépé. Hit me tonight, 'cause my feeling is just so right. As we dance by the moonlight, can't you see you're my delight, lady? I just feel like. Okay, Didier, je te réserve la salle. Out of my mind, I feel. Pas de route, mon routier lundi, hein. And I know that it's true. I can't turn off the look in your eyes. Lady, hit me tonight, 100 PP Younes la semaine prochaine. Je prépare une salle VIP pour vous les gars. Une salle zinzin, j'ai marqué pas VIP, salle zinzin, ça va être bon ça. Salut Kevin, au Portugal. Pour Patricia, ça. Merci Ludo. Salut les zinzins. Il y a le Saménière 2020 qui est terrible, qui cartonne. Hein. Helmut Fries 2020, la remix, il est terrible. Salut Alias. Ça va Kirikou. Salut Mathieu. Salut Daniel. Écoute la version 2020. Je rêve du cost et d'un verre, mais tout Paris est désert. Ils sont tous à la maison, moi aussi j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Parce qu'il y a la rupture de stock, ça m'énerve. Toutes celles qui sont plus épiques comme à la quête. À tous les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les soignants, j'en passe, hein. C'est pour vous celle-là. C'est fini, pas le temps, y'a les gosses. Salut la ville de Trénou. Putain, y'a du bled. Toutes celles qui font pas du 34 comme à Walou, ça m'énerve. Salut Younes, on sera en live je crois juste après. Salut Alice. Devant Bichat, folie, prennent que les VIP. Moi j'arrive sur mon brancard, on me dit non, tu repars. Ça m'énerve. J'appelle Amazon, une blindasse au téléphone. Ah, j'ai plus de PQ, ça m'énerve. Mon Dieu, qu'elle m'énerve. J'ai vu une chauve-souris milliardaire. J'ai dit Batman, vous foutez tout en l'air. Putain! J'ai croisé Macron dans le vestiaire. Hey, hey. Il m'a dit, comme chez moi. Nous sommes en guerre. Toutes celles qui ont chanté le cul de Kardashian, c'est la guerre. On ne va plus s'asseoir, arrêter le parmesan. Le patron, comment tu vas? Celles qui boivent du champagne rosé. Oubliez le confinement qui va durer. Every goose from every tree. Oh yeah! DJ, come on baby! Are you ready? Tonight! rigole pas là. Salut Séverine, ça va? Salut les pocherons de la terre! À tous les pocherons de la terre qui sont malheureux! Dont je fais partie! Radio Favorito lundi, en direct! Ça va les engins? Il y a le mashup, le guetta qui arrive. Salut Alexandra, salut Anthony. Jusqu'à midi non-stop hein. tous les briquets s'allumer. Simon et tu tapes dessus. Rappelle le jeu de Simon. Rappelle du jeu Simon, bah tu tapes dessus. Je veux des cœurs. C'est beau la bourgeoisie. Salut les Zazars! Libéré, délivré! On est des ouf! Ça les fout! Zaza! Tout le monde chante! Je veux que tout le monde chante là! Amenez les enfants! Amenez les enfants! Yeah. Pour aller prendre l'apéro. Allez, on va se calmer. Je vais dire au revoir. Je vais pas, hein. J'ai mis un coup la Reine des Neiges, hein. J'ai un mixeur, hein. Salut les zazas, bougez pas, on se quitte avec rien de rien comme d'hab. Comme nous les discothèques on a rien pour l'instant. Et ben on fait avec. Et c'est triste pour la planète, hein, pour faire la fête ça va être plus long que prévu. C'est pour ça que je fais des lives, pour vous soulager puis moi aussi. Les zazas. Rien, pour l'instant, on a rien de rien, mais c'est pas grave. Vous êtes là, et ça, ça fait plaisir. C'est pour vous. Je veux que tout le monde chante avant la finale. Sauvez la nuit. Sauvez la nuit, les frères. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Une bougie pour la nuit, pour tous ceux de la nuit là. Une bougie pour la nuit. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé, avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours. Avec leur trémolo, balayé pour toujours. Je repars. Allez, le final avant l'apéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien. Encore là, Laetitia? Qu'on m'a fait. Encore là, toi? Ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui. Bon appétit les zinzins. Ça fait toi. Bon appétit, j'ai dit. So you can trust in me, and I can trust in you. And that's exactly how I know it's gonna be, baby. You I love the most, and the closest I will tell you. But I have no regrets for loving you. Cause I see that you interested in me, baby. And I always put my interest in you, yeah. Yeah, when I see that, I never make you blue, never tell you about you. Never, never do that in any way. I will tell you, say no regrets. Ah mais c'est non, non. Ouais, alors demain je suis pas là parce que demain je vais au 7 mettre des graviers. Voilà, donc je serai là sûrement dimanche ou lundi. Promis, voilà. Bah, merci à vous en tout cas hein, d'avoir suivi ce live. Big up la famille, je vous aime très fort. Et puis bah on se retrouve pas demain, mais dimanche je pense 11h puis lundi. Voilà, prenez soin de vous la famille. Bisous, merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Ciao, I love you.